crois plus que tout est perdu. Quand trompé, déçu, meurtri, quand assis par terre, plus rien pouvoir faire, tout seul dans ton désert. Quand mal, trop mal, on marche à genoux. Quand sourds les hommes n'entendent plus le cri des hommes. Tu verras, l'eau revient quand même. Tu verras, le jour se lève encore, même si tu ne crois plus à l'aurore. Tu verras, le jour se lève encore. Le jour se lève encore. La terre saigne ses blessures sous l'avion. Crache la mort. Quand l'homme chacal tire à bout portant sur l'enfant qui rêve ou qui dort. Quand mal, trop mal, tu voudrais larguer, larguer, tout larguer. Quand la folie des hommes nous mène à l'horreur, nous mène au dégoût. N'oublie pas, reviens quand même, même pâle, le jour se lève encore. Étonné, on reprend le corps à corps. Allons-y, puisque le jour se lève encore. Le jour se lève encore. Restons en colère, soyons vigilants. Même si tout semble fini, n'oublions jamais qu'au bout d'une nuit, qu'au bout de la nuit, qu'au bout de la nuit, doucement, l'aube revient quand même. Même pâle, le jour se lève encore. Étonné, on reprend le corps à corps, continue, le soleil se lève encore, tu verras le jour se lève encore, tu verras le jour se lève encore, même si tu ne crois plus à l'aurore, tu verras le jour se lève encore, le jour se lève encore, ouh, le jour se lève encore. Le jour se lève.